Section 15, livre 2, chapitre 16 à 20. Chapitre 16, Shiba. Nos jinriki nous mènent au parc de Shiba en passant par celui d'Ueno. Ce n'est pas la route directe, mais Matsumoto est prévoyant, et comme il nous a promis de nous faire dîner ce soir à la japonaise, il pense que nos estomacs ne seront pas fâchés de se lester au préalable d'un lunch à l'européenne. Or, il y a justement à Ueno un restaurant des plus civilisés où l'on trouve des chaises, des fourchettes et des vraies côtelettes de vrais moutons. Le restaurant tenu par des Japonais est placé dans un jardin où l'art a déformé la nature au point qu'on se demande si ce sont des joujoux ou des arbres qu'on a sous les yeux. La vue y est superbe et le temps clair nous permet de voir dans le lointain les 86 marches de l'escalier d'Atago adossées aux collines de Shiba et que nous allons visiter. Suffisamment restaurés, nous partons pour Shiba en traversant rapidement toute la ville. Shiba est un ensemble de collines escarpées et boisées. Çà et là, des chapelles dorées, des temples, des couvents aux murailles de papier blanc, des tombeaux sombres, des escaliers immenses et des rangées de lanternes monumentales en bronze et de plus grand art. Le tout petit temple shintoïste d'Atago, le dieu qui préserve des incendies, que nous avons déjà aperçu de loin, est placé sur une plateforme tout en haut d'un escalier qui n'en finit pas et qui prend la montagne à l'assaut. On m'assure que les chevaux japonais peuvent descendre par ces marches raides. J'en fais mon compliment aux chevaux japonais. Quant aux dames japonaises, elles ne jouissent pas, à ce qu'il paraît, des mêmes talents, car un autre escalier, plus étroit et plus doux, serpente à travers les taillis ombreux, et c'est, me dit-on, l'escalier des femmes. Sur la plateforme, de charmantes jeunes filles, dont l'une a le profil de Marie-Antoinette, nous offrent du thé pendant que nous admirons la vue qui s'étend sur la ville et la mer. Outre le temple, il y a des constructions en bois brut, les unes pour faire les prières et les autres pour jouer les mystères. Car la comédie sacrée fait partie du culte shintoïste, absolument comme dans les rites dionysiaques. Les autres temples de Shiba sont bouddhiques et de la secte Jyōdo. On y arrive par une porte énorme, de style chinois et entièrement peinte en rouge, sorte d'arc de triomphe à trois entrées basses, surmonté d'un toit monstrueux qui, avec ses poutres en saillie et sa couverture, constitue les deux tiers de l'édifice. Le temple principal, construit en 1632 par Iemitsu, fut brûlé en 1873, ainsi que le grand clocher, par deux étudiants irrités des superstitions de leurs concitoyens. C'est une chose curieuse à constater que cette sorte de honte que les Japonais instruits ont des croyances admises dans leur pays. Lorsque le Japon s'est ouvert aux idées européennes, les Japonais qui étaient à la tête du mouvement ont eu le tort, à mon avis, d'être trop humiliés, d'une infériorité qui n'était qu'apparente. Certes, ils n'avaient encore ni usines à vapeur, ni écoles polytechniques, mais que d'excellentes choses ils avaient, auxquelles ils renoncent, sans raison. Le Japon n'a pas assez confiance dans les mœurs du Japon. Il fait trop vite table rase d'une foule de coutumes, d'institutions, d'idées même, qui faisaient sa force et son bonheur. Il y reviendra peut-être, je le lui souhaite. Or, une des premières choses que les novateurs progressistes auraient voulu détruire, c'est la religion locale. Il est arrivé que les efforts qu'ils ont faits pour cela n'ont eu pour résultat que de donner un regain de popularité aux croyances et de forcer les clergés à se réorganiser et se perfectionner. Le shintoïsme est devenu la religion d'État, et le bouddhisme envoie en Europe ses jeunes séminaristes. C'est ce qui exaspère les novateurs progressistes. Or, un beau jour, deux étudiants indignés de voir les Japonais si arriérés ont voulu leur donner une leçon et ont mis le feu au grand temple d'Amida. C'était le plus beau temple du bouddhisme, et ces farouches libre-penseurs crurent porter à cette religion un coup vigoureux. Un an après, ils furent saisis et sont maintenant dans les bagnes du gouvernement. On voit pourtant d'autres temples qui sont d'une richesse inouïe. Un jeune bonze, à la figure pâle, à la tête rasée, s'offre à nous les faire visiter. Il nous introduit dans une cour où l'on vient rarement, car l'herbe a recouvert les dalles du sol. Tout autour sont des rangées de ces superbes lanternes de bronze, hautes comme deux hommes superposés. C'est à peine si l'on voit le temple, en lac d'or, qui est là, car, pour le préserver des intempéries, on l'a enveloppé d'une housse de planches brutes qui le recouvre dans tous les sens. Mais, en se glissant entre l'enveloppe et le monument, on reste émerveillé de la beauté des détails. On connaît ces délicieuses petites boîtes de laque dorée, relevées de sculptures délicates et légèrement coloriées. Eh bien, tout le temple est de ce travail-là. Les panneaux des murailles représentent des feuillages, des nuages et des oiseaux. Les colonnes sont fouillées comme des madrépores. Les ors sombres alternent avec des ors vifs de tons différents et les quelques taches de couleur qu'on a jetées sur les fleurs et sur les oiseaux ne font que relever d'accents gais un ensemble doux et harmonieux. Le bonze nous ouvre la porte du temple et je suis d'abord frappé du peu de hauteur de l'intérieur. Mais l'on m'explique que l'usage était de ne pénétrer dans cet édifice qu'en rampant. Et encore, la famille seule du Tycoon avait le droit d'entrer dans cette salle en marchant sur les genoux et sur les mains. Les grands de l'Empire, les fiers daimyos, restaient à la porte également prosternés et la foule des seigneurs s'avançait à quatre pattes dans la cour. Ce cérémonial n'avait pas lieu à cause de la statue d'Amida qui brillait au fond du sanctuaire, mais parce que le temple est consacré au deuxième shogun de la dynastie de Tokugawa. Les honneurs rendus au grand ministre dépassaient les honneurs rendus aux dieux. Quant à nous, il suffit d'enlever nos bottines et nous entrons tout debout sous le plafond surbaissé et fouillé dans l'or brillant. Je fais même le tour du sanctuaire qui a un petit corridor de ceinture comme dans les temples égyptiens. Derrière le temple, une autre cour nous dévoile des perspectives incroyables d'escaliers noirs surmontés de chapelles dorées qui se détachent sur les futaies immenses. Nous franchissons ce décor d'opéra et après avoir gravi de nombreuses marches appuyées sur la montagne, nous arrivons à un étroit enclos où se trouve le tombeau de bronze du 12e shogun. Les daimyos n'avaient pas le droit de venir où nous sommes. Ceux qui avaient 100 000 mesures de riz de revenus pouvaient s'approcher jusqu'à la première barrière. Matsumoto nous explique que son père aurait eu la tête tranchée s'il avait fait le pas en avant qu'il vient de faire lui-même. Il y a 6 tombeaux de shogun à Shiba, 7 à Ueno et 2 à Nikko. Le bonze aux vêtements gris nous conduit dans une autre cour où l'on voit l'emplacement du temple brûlé et la grosse cloche qui vibrait les jours de fête dans le clocher détruit. On l'entendait de 16 lieues. Un temple a résisté à l'incendie, son toit noir et or se détache sur la verdure de la montagne, devant, de vastes bénitiers en pierre sont abrités sous des hangars aux poutres sculptées peintes en blanc, rouge et vert. Tout autour de nous, des arbres plusieurs fois séculaires se dressent dans le ciel. Sur la gauche, une éclaircie laisse apercevoir un vallon qui se prolonge au loin, hérissé de toits religieux. Nous remercions le bonze et nous retournons dans la ville en traversant le chantier où l'on prépare les poutres sculptées qui serviront à réparer les temples endommagés. Les ouvriers sont vêtus comme des clowns avec des maillots collants et quelques-uns n'ont pour tout vêtement que le fundoshi réglementaire qui passe entre les jambes et sert de ceinture. Que font donc en Italie nos élèves de l'école de Rome? C'est ici qu'ils pourraient étudier le jeu des muscles en plein travail. Voir des statues antiques, c'est bien. Voir des statues vivantes, c'est mieux. Chapitre 17. Les deux amants. Laissez-moi, n'est-ce pas, vous raconter une histoire sur l'origine des temples de Shiba. Peu. Seulement, je vous préviens que ce sera un peu long. Oh, alors je préfère. Puisque vous le voulez absolument, je commence. C'est l'histoire de deux jeunes filles et de deux jeunes gens. Quatre amoureux dont les aventures sont devenues célèbres au Japon. Et comme ils sont quatre, le récit s'appelle toujours la légende des deux amants. Je n'ai pas pu éclaircir pourquoi on supprime les deux autres. Peut-être serez-vous plus heureux que moi. La ville de Kyoto, séjour de la cour du Mikado, s'était transformée depuis la création du shogunat en ville des arts et en ville des lettres. Laissant les soucis de la politique à Kamakura, Osaka ou Yedo, la ville sainte et aristocratique de Kyoto était devenue le lieu de rendez-vous des beaux esprits et des savants, des élégants et des artistes. Les grands seigneurs, n'ayant rien à faire, ne pouvaient trouver le temps de mener à bien leurs occupations multiples. La poésie, la musique, la peinture, l'art de bien dire, l'art de s'habiller, l'art de faire des bouquets, l'art de saluer, l'art de boire le thé, et bien d'autres aussi nécessaires, absorbaient leurs moindres instants, et peu à peu un nombre personnel de professeurs, de peintres, de secrétaires devenait indispensable. C'est ainsi que Sono Ike, personnage important de la cour, avait pris pour l'aider dans ses travaux le jeune Koretoki, natif d'Yedo, et qui était venu dans la capitale pour prendre les belles manières et devenir savant. Or, Sonny Hockey avait une fille qui faisait son désespoir. Non pas que la pauvre enfant fût laide, ni méchante, ni bête, ni disgracieuse. Elle était au contraire d'une beauté accomplie, d'une rare intelligence, d'un caractère charmant, mais depuis quelque temps, la plus noire mélancolie envahissait son âme. En vain avait-on construit pour elle dans le jardin des pavillons de lac ornés de peintures exquises. En vain lui avait-on donné des suivantes aimables, pleines de talents de toutes espèces, sachant broder, chanter, réciter, jouer des instruments de musique, faire courir un pinceau sur la feuille de papier mouchetée d'or, jouer à ces mille jeux qui font la joie des japonaises. La malheureuse Negae promenait ses 18 ans au milieu de ses splendeurs et de ses plaisirs sans pouvoir dérider son jeune front déjà contracté par le chagrin. À bout d'expédients, Sono Hike eut l'idée, un beau soir, d'amener chez sa fille le nouveau secrétaire qu'il avait engagé, le jeune Kore Toki. Ce garçon avait une jolie voix et un grand talent de chanteur. Il savait s'accompagner sur le koto, la harpe japonaise. Il était poète, à ses heures, et le brave père pensa que toutes ses qualités pouvaient être utilisées pour distraire son enfant. Negae reçut le secrétaire avec beaucoup de politesse. Elle s'assit sur la natte, à côté de lui, et lui demanda immédiatement de lui chanter quelque chose. « Dites-nous, monsieur, une chanson d'Yedo, votre pays. « Vous savez donc que je suis d'Yedo ?»« Oui, » répondit Negae, qui ne put s'empêcher de rougir. Kore Toki chanta et récita des poésies de son invention. Tout le monde admira son talent et le jeune homme fut trouvé charmant. Negae affirma qu'elle était tout à fait de l'avis des assistants et demanda que Kore Toki revînt tous les soirs faire de la musique, ce qui fut convenu, et l'excellent Sono Hike, ravi de voir enfin sa fille prendre goût à une distraction, ne savait à quoi attribuer ce changement. « Je n'aurais jamais cru, se disait-il tout étonné, que ma fille aimât la musique à ce point-là. » Aussi, tous les soirs, le jeune secrétaire venait faire de la musique dans les appartements de Megae, et la jeune fille, qui avait retrouvé sa gaieté, allait tous les jours de mieux en mieux. Ses parents étaient au comble de la joie de voir leur enfant revenu à la santé par les bons soins de Kore Toki. Mais ce dernier trouvait qu'on lui faisait un peu perdre son temps. Il était venu à Kyoto pour étudier. Or, toutes ces soirées qu'il aurait dû consacrer au travail étaient employées à des amusements qu'il trouvait frivoles. Kore Toki était un garçon fort sérieux. Kore Toki était un garçon très travailleur. Aussi, Kore Toki n'était pas content. Un soir que le secrétaire se rendait chez la fille de son maître, on lui dit que, à cause de la chaleur, elle s'était réfugiée dans son pavillon laqué. En effet, Negae s'y trouvait et s'occupait à ranger les fleurs dans un vase. Elle était debout appuyée sur une table. À cause de la chaleur, on avait enlevé de deux côtés les cloisons du pavillon afin de former un courant d'air, et le jeune homme qui arrivait discrètement, sans que cet habit blanc fisse crier le sable du jardin, put longtemps regarder la jeune fille avant que celle-ci s'aperçût de sa présence. Le pavillon était élevé à 2 pieds du sol, ainsi que toutes les habitations japonaises. Negae, gracieusement posée, apparaissait comme sur un piédestal et se détachait sur la clarté du couchant. Elle n'était vêtue que d'une longue robe blanche, légère et un peu transparente. Son corps, fin et délicat, se profilait en silhouette à travers les plis de son vêtement. Il y avait dans toute sa personne tant de dignité et de charme que Kore Toki crut voir devant lui une déesse de l'Antiquité. Voilà, certes, qui est bien japonais. Un jeune homme voit tous les jours une fille charmante. Eh bien, il n'est touché ni par son esprit, ni par sa grâce, ni par ses talents, ni par ses prévenances. Il ne voit pas les tendresses de ses regards, il ne sent pas les caresses de sa voix. Mais tout d'un coup, cette même jeune fille se présente à lui dans un cadre, sous une forme à la fois picturale et sculpturale. Subitement, il est saisi par l'harmonie des lignes, la pureté des contours, la douceur des demi-teintes. L'œuvre d'art fait battre un cœur que la femme seule n'avait pas touché. Comme Negae lui adressa la parole, il se sentit tout attendri et pendant la soirée, il fut ému à ne pouvoir presque parler. Ce soir, il se fit peu de musique. On remarqua que Kore Toki était triste, ce qui était d'autant plus singulier que jamais Negae n'avait été plus gai. Chapitre 18. Où l'on présente un autre couple. Puisque je vous ai annoncé que je vous raconte l'histoire des deux amants, vous pensez naturellement que Negae et Koretoki sont les deux amants en question. Eh bien, vous allez voir. Sonohike fut chargé par l'ordre du Mikado de rédiger certains mémoires sur je ne sais quoi. Lorsque le travail fut terminé, il chercha quelqu'un possédant une belle écriture pour préparer la copie qu'il devait envoyer à son souverain. Or, comme la santé de Mnegae était tout à fait rétablie, et comme par conséquent Koretoki n'avait plus besoin de la visiter chaque jour, Sonohike chargea ce dernier de s'occuper de ce travail avec son autre secrétaire, le jeune Obana. Mais voilà que Mnegae, n'ayant plus de distraction, retomba malade à nouveau. La mélancolie revint la hanter encore plus fort qu'auparavant. Elle passait son temps le coude tristement appuyé sur une table et répétait sans cesse les poésies qu'avait chantées le beau Koretoki. Ou bien elle s'étendait sur la natte de la chambre, et la tête appuyée sur les genoux de Matsue, sa suivante préférée, elle réfléchissait profondément. Puis, détournant la tête, comme si elle voulait dormir, elle fermait les yeux. Mais à travers ses cils filtraient de grosses larmes qui tombaient, larges et chaudes, sur le fin kimono de Matsue. Une fois, la suivante, n'y tenant plus, supplia sa maîtresse de soulager son cœur et de lui faire la confidence de son chagrin. « Mademoiselle, dites-le-moi, vous aimez quelqu'un ?»« Oui, » répondit faiblement Mnegae, en fermant toujours les yeux. « Vous aimez Koretoki ?» Mnegae cacha son visage avec sa large manche et sanglota. Quand elle put parler, « Oh, » dit-elle, « n'élevez pas ainsi la voix, si l'on nous entendait !» Et regardant Matsue dans les yeux, elle ajouta à voix basse « Oui, j'aime Koretoki. Oui, je l'aime de toutes mes forces. Je ne puis m'empêcher de penser toujours à lui. Mais, ma chère Matsue, maintenant que je vous ai ouvert mon cœur, c'est à votre tour de me faire des confidences. » Et ses yeux, encore mouillés de larmes, prirent une gracieuse expression de malice. « Que me demandez-vous, mademoiselle, à moi qui jamais ? Pensez-vous donc que je ne connaisse pas votre secret ? Ah, Matsue, vous voulez me cacher vos sentiments ? « Eh bien, j'ai quelque chose à vous montrer. Voici un joli petit billet doux que vous adresse Obana. Qu'avez-vous à répondre à cela ?»« Comment ?» reprit vivement Matsue, la rougeur au visage. « Comment cette lettre est-elle tombée entre vos mains ?»« Ne vous effrayez pas, ma gentille amie. Je l'ai ramassée hier, dans le jardin, mais je l'ai cachée aussitôt pour vous la remettre. De plus, j'ai l'intention de prier mon père de vous marier à celui que vous aimez. » Et si je me suis laissé aller à vous avouer mon amour, c'était pour avoir le droit de m'occuper du vôtre. » Levant alors les bras, elle saisit la tête de Matsue entre ses mains fines et la baissa jusqu'à ses lèvres. La double confidence se termina par un double baiser. Le même jour, après les chaleurs de l'heure du singe, Koretoki et Obana, lassés d'avoir écrit toute la journée, se promenaient dans le jardin en jouant de la flûte. La nuit était venue et la lune, à son premier quartier, lançait à travers les massifs noirs des rayons de lumière pâle. Tout en jouant, il s'était assis au bord d'une pièce d'eau qui se perdait sous les branches d'un vieux matsu. L'air était calme et pourtant la surface de l'eau se ridait et venait clapoter en petites vagues au pied des promeneurs. Cette tempête en miniature portait un navire, un tout petit bateau de papier qui s'avançait en oscillant et vint échouer sur le gazon. Le bateau contenait une lettre que Koretoki, plein d'une douce émotion, saisit et lut avec avidité. Plaignez la pauvre jeune fille dont le temps se passe à rêver, qui pleure et ne peut vivre sans un regard de son amant. Koretoki lisait et relisait, n'en pouvant croire ses yeux. Obana, bien élevé comme tous les Japonais, se retira pour ne pas être indiscret, mais il eut beaucoup de peine à étouffer les rires que lui inspirait l'air stupéfait de son ami. Ce dernier restait plongé dans le ravissement lorsqu'il vit s'approcher, flottant sur les eaux, un rameau de Matsu, le pin du Japon, dont le langage symbolique le priait de la part de la jeune fille d'aller la voir le plus tôt qu'il pourrait. Il prit alors son pinceau et composa les vers suivants. « Deux choses dans l'univers, à l'infini, s'élèvent toujours. Est-ce la fumée du Fusiyama ? Est-ce le sentiment de notre affection ?» Quand les Japonais ont parlé du Fusiyama, leur grande montagne, ils ont tout dit. Et quoique ce volcan soit éteint depuis longtemps, il est toujours très poétique de rappeler l'époque où son panache de fumée blanche se détachait sur le ciel éblouissant du vieux Nippon. Coretoki ajouta à ses vers un post-scriptum dans lequel il faisait ses excuses de ne pouvoir se rendre à l'invitation de son amante, vu l'heure avancée. « Toujours convenable, Coretoki. » Puis il mit son billet dans le petit bateau de papier qu'il abandonna sur la pièce d'eau et, remuant à la surface son rameau de matsu, il créa une agitation dont les vagues concentriques emportèrent en s'élargissant la frêle nacelle. L'embarcation, ballottée par cette houle microscopique, ne tarda pas à disparaître sous les branches sombres du grand arbre. Chapitre 19. Ça se complique. Pendant que nos amoureux organisaient sur le lac du jardin un service régulier de paquebots en papier, Sonoïke se désespérait de voir sa fille perdre de nouveau la santé. Il pensa que le grand air amènerait quelque amélioration et envoya Mnegae et Matsue chez une vieille tante qui habitait un superbe château dans un des pays les plus pittoresques des environs de Kyoto. Cette tante avait été dame d'honneur de l'impératrice et tout se faisait chez elle avec un cérémonial princier. Mais ni la beauté du paysage, ni les joies d'une politesse dont les rites dirigent tous les actes et occupent tous les instants ne purent arriver à distraire la jeune fille. Elle devint de plus en plus triste, et comme si sa maladie était contagieuse, sa suivante, Matsue, se mit aussi à pleurer et gémir au milieu des splendeurs qu'on multipliait autour des deux invités, de sorte que le père, ne sachant plus à quel dieu se vouer, se décida à user du grand remède, le mariage. Car au Japon comme en Europe, le mariage a toujours été un traitement propre à guérir les maux des jeunes filles atteintes de mélancolie. Il fit donc revenir Mnegae à Kyoto et prit le parti de la marier à Hana no Kōgi, jeune noble, fort estimée à la cour. Pendant ce temps, Coretoki, ayant appris que sa mère se mourait à Yedo, était parti subitement pour la capitale des shoguns. Mnegae apprenait à la fois les projets de son père et le départ de son amant. Elle faillit en mourir. Matsue, de son côté, s'aperçoit que ses relations avec Obana l'avaient mise dans un état qu'elle ne pourrait bientôt plus cacher, et elle résolut de se donner la mort. Un soir, donc, elle se munit d'un de ces petits poignards que les femmes nobles portent sur elles et attendit que tout le monde fût endormi pour mettre son funeste projet à exécution. Avant d'en venir au coup fatal, elle repassa dans son esprit tous ses malheurs. Elle se fit, selon l'usage en pareil cas, un long monologue, entrecoupé de sanglots, qu'elle ne put assez étouffer pour empêcher son amie Mnegae de l'entendre pleurer. Mnegae, qui avait aussi ses raisons pour ne pas dormir, se précipita dans la chambre de sa suivante et saisissant le poignard qui brillait déjà hors de son fourreau. « Que faites-vous, Matsue? Que voulez-vous faire? Perdez-vous la raison? Pourquoi vous tuer? Je ne vous permets pas de vous donner la mort !» Et elle ajouta d'un ton plus doux, « Je vous aime tant, Matsue, et je ne compte plus que sur vous maintenant. » Alors, elle se coucha à côté de son amie, et la tenant doucement enlacée dans ses bras, elle chercha à la consoler. Mais loin de se calmer, les deux jeunes filles ne purent qu'aiguiser leur chagrin au récit de leur malheur, si bien que l'heure du lièvre arriva qu'elles mêlaient encore leurs larmes en se parlant à voix basse. Le même jour, la vieille tante, désirant distraire sa nièce, envoya de son château un jeu de fleurs. Cela se composait de boîtes élégantes, toutes ouvertes et pleines de fleurs de différentes espèces, chaque boîte ne contenant qu'une seule espèce et chaque espèce remplissant deux boîtes. Deux personnes se partageaient les deux séries de boîtes et il fallait simultanément présenter des fleurs semblables. Toutes les suivantes de Mnegae crurent avoir trouvé une occasion d'égayer leur jeune maîtresse. Elles se réunirent aussitôt pour la pousser à jouer avec elles. Mnegae y consent. Mais à peine a-t-elle choisi une fleur que, au lieu de penser au jeu, elle se lance dans des considérations sentimentales sur le triste sort de la pauvre fleur séparée de la racine qui lui donnait la vie et sur l'indifférence de la racine qui attend tranquillement une nouvelle fleur et qui suppose que la fleur qu'on a cueillie est bien heureuse d'être dans une jolie boîte à la quai d'or, tandis que, au contraire, la fleur séparée de sa tige languit, se fane et meurt. Les suivantes ne comprirent pas grand-chose à ces plaintes de la fleur, mais Matsue en conclut que l'amour de sa maîtresse était sans remède, et elle résolut d'en parler à Obana et de prendre un parti décisif. Et, par une nuit sombre, Mnegae et Matsue, vêtues du costume que les dames de la cour mettent en voyage, se sauvaient par la petite porte du jardin. Aubana, habillé en domestique de grande maison, les suivait. Marchant à grands pas, les trois fugitifs gravirent la montée de Hinooka qui se trouve sur le chemin du lac Biva. Au lever du soleil, ils se reposaient à Otsu, sur les bords du lac dont ils admiraient les rives boisées. Là, les femmes prirent des kangos portés par des gaillards vigoureux dont le trot rapide les emmena vite à travers la chaîne de montagnes qui s'étend au nord de la capitale et sépare la province de Yamashio de celle de Ohomi. Lorsque la famille de Mnegae s'aperçut de la disparition de la jeune fille et de son ami, les amoureux étaient déjà loin, et c'est en vain qu'on envoya dans toutes les directions des serviteurs qui revinrent au milieu de la nuit, déclarant que nulle part ils n'avaient trouvé trace des fugitifs. Chapitre 20. Le Khan d'Oho. Suivi du jeune couple, Mnegae marchait rapidement vers le nord. Elle arriva enfin à Yedo, mais, avant d'entrer dans la ville, la jeune fille s'arrêta sur les hauteurs de Shiba, près du temple d'Hachiman, le dieu guerrier, et elle réfléchit à ce qu'elle avait fait, à ce qu'elle voulait faire. Sur le point de retrouver son amant, elle hésitait. Elle pensait à son pays, à sa famille, qu'elle avait abandonnée. Son regard s'étendait, distrait, sur la baie de Sinagawa, où les barques à voiles blanches sillonnaient les eaux tranquilles. Le calme du paysage contrastait avec l'agitation de son âme. Elle hésitait à aller plus loin et pensait presque à revenir sur ses pas. Ses réflexions furent troublées par le chant d'un jeune garçon qui passait dans le chemin ombreux. L'enfant s'avançait en fredonnant du ton nasillard et indécis qui caractérise la mélodie japonaise. Les bouts de son tenogui, arrangés en couronne, lui faisaient comme une aigrette sur le front. Une canne de bambou posée sur sa nuque supportait gracieusement ses deux bras dont les manches tombantes, agitées par la marche, formaient comme deux ailes. « Écoutez, s'écria Mnegae, s'adressant à ses compagnons, je connais cette chanson, Koritoki la chantait bien souvent. Je vous en prie, Obana, interrogez ce garçon, il peut nous donner d'utiles renseignements sur la personne que nous sommes venus chercher. » En effet, l'enfant était un domestique de Koritoki. Il se promenait dans les sentiers du parc sacré en attendant que son maître, qui était venu implorer pour sa mère malade, le dieu Hachiman, eût terminé ses dévotions. Koritoki lui-même ne tarda pas à paraître. Mais, quel que fût son étonnement et sa joie de trouver là son amante et ses amis, il ne laissa voir aucune émotion car il savait vivre et connaissait les convenances. Il conduisit dans une attitude respectueuse Mnegae jusqu'à une salle du temple, la fit asseoir à la place d'honneur en face de la porte d'entrée, plaça aux côtés de sa maîtresse Obana à droite, Matsue à gauche, et s'inclinant devant son amante, il se mit à frotter ses tibias avec les mains, ce qui est le comble de la déférence. Puis, prenant la parole, il pria la jeune fille d'agréer l'assurance de ses sentiments distingués et la félicita sur sa bonne santé. Mnegae rougit, baissa la tête, leva sa manche et ne répondit pas, ce qui est, remarquons-le, contraire au rite. Alors le jeune homme s'adressa à Obana et apprit de lui toute l'aventure. Il fut convenu que les voyageurs seraient conduits chez les parents de Koritoki, où ils seraient présentés comme des connaissances de Kyoto et qu'on aurait soin de cacher la haute naissance de Mnegae. Les voyageurs furent cordialement reçus par les vieillards et installés dans la maison même, ce qui fit la joie de tout le monde. Ici se présente une suite de ces incidents qui font le charme des romans. Obana, qui connaît la vie, propose à son ami d'en finir par une solution convenable. La solution convenable révolte Koritoki qui n'ose s'allier à une grande dame. La mère de Koritoki veut lui faire épouser Mnegae. Koritoki, singulier amoureux, gagne du temps. La mère meurt. Le père s'en va en pèlerinage à Kyoto pour prier le dieu Kwannon de là-bas de veiller au repos de l'âme de sa femme. Là, il apprend tout en écoutant la conversation d'un marchand de poissons qui raconte la mort de Sonohike, le malheureux père de Mnegae, tué par le chagrin. Il revint dans sa maison à Yedo, et au moment où tout le monde se réunit en ordre dans le salon pour le recevoir, il s'assoit au fond de la salle et prenant un visage terrible. « Koritoki, souvenez-vous de tout ce que vous avez fait à Kyoto. Vous avez séduit la fille de votre maître. Savez-vous combien vous avez compromis l'honneur de votre seigneur, ainsi que mon propre honneur? Savez-vous que Sonohike est mort de douleur et de honte? Pour votre seigneur, vous êtes un traître, pour vos parents, un ingrat. Et vous avez osé revenir dans votre pays et souiller, par votre inconduite, le toit paternel. Vous allez immédiatement quitter la maison. » En entendant la formule du kando, malédiction, Negae se prosterna sur la natte et fit éclater ses sanglots. Obana et Matsue s'inclinèrent profondément et, cachant leurs figures derrière leurs manches, implorèrent le père de Koretoki. Mais il fut inébranlable. Alors le fils maudit se leva et marcha lentement vers la porte. Avant de la franchir, il s'appuya un moment contre un des poteaux qui soutenait la chambre, puis, prenant son parti, il s'enfuit rapidement. Negae, hors d'elle-même, s'élança sur ses pas. Matsue et Obana la suivirent, et le malheureux père resta seul dans la maison vide. Fin de la section 15.